لكن من أجل حسن ظنك بي... لا من أجل نبين الحقيقة أنك رجل كبير وأعلم، والحمد لله لك وزنك وقدرك إن شاء الله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى. معنى هذه الجملة أن الله عز وجل تعاظم وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى والملك ملكه، فلا يمكن أن يكون في ملكه ولا في خلقه ولا في أمره شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. ثم قال أو يكون لأحد عنه غنى، لأن الفقراء، لأن المخلوقين فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، الشيخ فواز حفظه الله تعالى ونكمسي لدي شيخ عبد الهادي شكفوا يدي شيخنا أو شيخنا فواز يدي en vérité c'est pas moi son supérieur mais c'est lui mon supérieur. C'est pour mettre les choses à leur place. Il est plus âgé que moi et plus connaisseur, et il a sa valeur et ça, le respect qu'on doit lui accorder. C'est une simple vérité que je dois proclamer. Ensuite, il dit, l'auteur, rahmatullahi alayh, continue en disant, dans le sens de ses paroles, qu'Allah est trop haut pour qu'il y ait dans son royaume quelque chose qui ne résulte point de sa volonté. Je répète, Allah est trop haut pour qu'il y ait dans son royaume quelque chose qui ne résulte point de sa volonté. Donc, Allah est bien plus élevé pour qu'il ne se passe quelque chose dans son royaume qu'il ne veut pas. Toute créature est pauvre et toutes les créatures sont pauvres devant Allah et ont besoin de lui. Comme Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 35, Fatir, le créateur, le verset numéro 15, le sens, ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Donc Allah, il a le ghina al-mutlaq, c'est-à-dire qu'il a la richesse, ou la suffisance, ou la royauté dans toute son absolu, et il n'a besoin de quoi que ce soit. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. خالقا لكل شيء، هذه الآية التي هي جزء من الآية كما قال تعالى الله خالق كل شيء، استدل بها أهل البدع بأن القرآن الكريم مخلوق، فقالوا الله عز وجل عمّن في هذه الآية أن كل شيء مخلوق، ومن هذا الشيء القرآن الكريم. ولكن يستثنى من هذه الآية ما صرح به القرآن الكريم والسنة النبوية من الأحاديث والآيات في هذا الباب، منها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيستثنى من هذه الآية ألا له الخلق والأمر. نعم، ألا له الخلق والأمر. فلا يستدل بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، القرآن منزل وليس مخلوق. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل خلق كل شيء إلا ما نص عليه أنه منزل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى كالله le préserve a commenté la parole de l'auteur كالله lui fasse miséricorde qui a dit il est le créateur de toutes choses n'est-il pas le seigneur souverain des serviteurs et le seigneur souverain de leurs œuvres. Donc en commentaire de cela, le cheikh a expliqué que cela est tiré d'un verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la traduction approximative du sens de sa parole, Allah est le créateur de toutes choses. Il faut savoir que les partisans de l'innovation se sont basés sur ce verset pour affirmer que le Coran est créé. Car ils sont partis du principe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Allah est le créateur de toutes choses ». Puis ils ont dit que le Coran est une chose parmi les choses visées et que donc il est visé par ce jugement-là et qu'il est donc créé. Et c'est là bien sûr quelque chose de faux. Car il n'y a pas de doute que nous devons exempter de ce jugement qui a été porté dans ce verset, ce qui a été exempté justement par les textes du Coran et de la Sunna. Et comme nous avons pu nous en rendre compte au préalable, le Coran a été révélé, a été descendu par Allah tabaraka wa ta'ala, et il est donc, comme nous l'avons vu au préalable, incréé. Et il n'est donc pas visé par ce verset-là. Le Coran est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréé. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ألا هو رب العباد ورب أعمالهم يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أعمالهم والرب مأخوذ من التربية والتربية على قسمين تربية عامة وتربية خاصة فالتربية العامة هو أن جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى يربيها الله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والحياة والأمن والاستقرار وغير ذلك ويشمل هذا المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكلف وغير المكلف ويشمل جميع المخلوقات هذه تسمى تربية عامة تربية خاصة هي أخص من العامة هي تربية الله عز وجل للمؤمنين وهم على درجات تربية الله عز وجل للملائكة وثم الأنبياء ثم الصالحين والشهداء وغيرهم فهم يتفاوتون في التربية حسب أعمالهم وحسب قربهم من الله سبحانه وتعالى فهذه تسمى تربية خاصة وكلما اقترب الإنسان بالطاعات والأعمال الصالحة وابتعد عن المعاصي والسيئات تكون عناية الله عز وجل به أكثر ويصل إلى درجة الولاية ويصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكلما قصر وارتكب المعاصي وفرط في جنب الله ابتعد من عناية الله عز وجل له أو به فالإنسان يحرص على أن يكون يرتقي بنفسه إلى مصاف الصالحين والشهداء والعلماء ويرقى بنفسه إلى هذه الطبقات العليا من أجل أن ينال عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه ورعايته وعنايته شيخ التربية العامة أمثلة التي أعطي جميع المخلوقات أمثلة ذكرت أمثلة المؤمن الكافر الضرب لا أمثلة ما معنى التربية العامة تربية الله جميع المخلوقات منها بما يؤذيه وبما قصدك هذه نعم رب العالمين الأمن والاستقرار والاستقرار والصحة والله Donc juste pour compléter ce que a dit le frère Abdurrahman Hafidahullah Ta'ala juste avant, concernant le verset, il a omis de citer le verset 54 de la sourate Al-A'raf, la sourate numéro 7, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Donc on voit que la création et le commandement sont deux choses bien différentes, d'où le fait d'exempter certaines choses du verset général Allahu khaliqu kulli shay. Donc ça c'est pour ce qui a précédé juste auparavant. Concernant ce que le cheikh vient de dire à l'instant, le fait qu'Allah a créé les créatures et a créé également leurs actions. Et du mot « Rabb », Seigneur, vient la tarbiya, c'est-à-dire l'éducation qui se décompose en deux. Le fait qu'Allah éduque ses créatures. La tarbiya al-amma, l'éducation générale, du fait qu'il les nourrit, qu'il leur accorde la sûreté, qu'il leur accorde la sécurité, qu'il leur a donné existence, etc. Ceci est valable pour toutes les créatures, aussi bien les croyants que les mécréants, aussi bien le bienfaisant que le malfaisant, aussi bien le pieux que le débauché. Donc ça c'est tarbiya al-amma, de manière générale. Le fait qu'Allah éduque ses créatures de manière générale. Et on a tarbiya al-khassa, l'éducation spécifique, qui est donc spécifique aux croyants, spécifique aux anges, spécifique aux prophètes, spécifique aux gens vertueux, spécifique aux martyrs, etc. à travers leurs actes et à travers ce qu'ils mettent en pratique. Plus la personne sera réformée, sera droite, plus Allah lui accordera de cette tarbiya, de cette éducation qui est spécifique, jusqu'à ce que la personne atteigne le degré de wilaya, le degré d'être un saint, quelqu'un qui a le wilaya, donc qui est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a atteint un certain niveau, un certain degré de piété et de droiture. Jusqu'à ce qu'il atteigne également l'ihsan, la bienfaisance ou l'excellence dans l'adoration, comme il est venu dans le hadith, « An ta'bud Allah ka'annaka tarah » que tu adores Allah comme si tu le voyais, « Fa illam takun tarahu fa innahu yarak » si toi tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Donc il est demandé aux croyants musulmans de faire et de fournir des efforts pour évoluer, pour atteindre le degré des vertueux, as-salihin, ou encore des martyrs, des shuhada, ou encore des gens de science, des théologiens, des savants, des علماء. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. في هذا أو في هذه الجملة يبين المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى كتب وحدد حركات جميع الحركات الاختيارية وغير الاختيارية فكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ وليس للعباد في ذلك إلا العمل ليس للعباد في ذلك إلا العمل وأما خلق الأعمال فهو لله سبحانه وتعالى فما من حركة أو سكون فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه وقدره في اللوح المحفوظ أي حركة أو سكون تصدر من المخلوق أو من أي مخلوق فهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ وآجالهم كذلك الله عز وجل قدر الآجال فهذا طويل الأجل وهذا قصير الأجل وهذا متوسط الأجل وهذا يقع عليه حادث ولا يموت وهذا يعني بأدنى شيء يموت وهكذا الله سبحانه وتعالى وزع الآجال والأعمار ولله عز وجل في ذلك حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ولذلك أخفى الله سبحانه وتعالى عنا هذا الأمر أمر الآجال لا أحد يعلم من أجل أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل ساعة وحين في كل ساعة وحين يكون متصل بالله سبحانه وتعالى أما إذا عرف أجله قد يرتكب المعاصي ويقصر في جنب الله فإذا جاء الأجل يعني جاء العمل ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا هذا الأمر كإخفائه ليلة القدر من أجل أن يزداد الناس في الطاعة وفي العبادة وهكذا أخفى عنا الأجل من أجل هذا الأمر ثم قال المؤلف الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم لئلا يحتجوا يوم القيامة أن الله عز وجل ما أرسل إليهم رسول ولا أنزل عليهم كتاب فمهمة الأنبياء هو إقامة الحجة على الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير كما قال تعالى عنهم فالله عز وجل أرسل هؤلاء الأنبياء النبي تلو الأنبياء وأولهم آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام وتعرفون قصة قوم نوح لما عبدوا الخمسة كان هناك خمسة رجال صالحين لما ماتوا وضعوا على قبورهم صور قالوا من أجل أن نتذكر عبادتهم أن نتذكر العبادة فنزداد في الطاعة فبعد ذلك حصل أنهم عبدوا هذه الصور من دون الله عز وجل وانتشر الشرك، فبعث الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام، وبعد ذلك تتابع الأنبياء وختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والرسل. بعد ذلك يبعث الله عز وجل مجددين لهذه الأمة، على كل رأس 100 سنة يجدد لهذه الأمة أمر دينها ليكون هذا الدين محفوظ. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى qu'Allah le préserve a continué donc en expliquant les propos de l'auteur qui a dit, parlant d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui a prédestiné et décrété leurs mouvements, c'est-à-dire les mouvements des serviteurs, et fixé leurs termes de vie, celui qui leur a envoyé les messagers afin d'établir la preuve contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a au préalable écrit et déterminé l'ensemble des mouvements accomplis par les serviteurs, que ces mouvements soient choisis ou pas. Il faut savoir que les actes des serviteurs leur sont attribués, les actes sont attribués à leurs auteurs, mais que la création des œuvres, des actes, est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela a été au préalable écrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz, la table gardée. Nous nous rendons compte également à travers ce passage que les termes de vie des serviteurs sont fixés, et que cela, et qu'on se rend compte donc que parmi les serviteurs, il en est qui peuvent subir, à titre d'exemple, des accidents sans pour autant mourir, et que d'autres peuvent mourir à cause de quelque chose d'infime. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé et décrété cela au préalable, et qui a déterminé donc les termes de vie de ses serviteurs. Et il y a dans cela une sagesse, dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait notamment caché à ses serviteurs leurs termes de vie. En effet, le fait que la créature, que les serviteurs donc, ne connaissent pas le terme de leur existence, et que cela leur ait été caché par Allah tabaraka wa ta'ala, a comme conséquence que les serviteurs vont fournir des efforts dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, alors que s'ils avaient connu cela, ils s'en seraient remis à cela, et ils auraient donc sans cesse remis au lendemain le fait d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la suite de ce passage, l'auteur a dit, celui qui a envoyé, ou celui qui leur a envoyé les messagers afin d'établir la preuve contre eux. Et c'est donc afin de couper court à toute excuse qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé à ses serviteurs des messagers. Na'am. Et le cheikh a notamment fait référence à l'histoire de Noé. Il a cité donc dans un premier temps Adam, ensuite il a cité donc le premier des messagers Noé, et le récit du peuple de Noé qui comptait dans leur rang 5 hommes pieux, et lorsqu'ils sont morts, donc ils ont voulu se rappeler ces 5 hommes pieux afin de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils en soient arrivés à les adorer. Et c'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh. Il a envoyé Nuh afin de les rappeler vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'unicité, à l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin donc de couper court à toute excuse. Donc Nuh a été envoyé, et cela a été suivi par l'envoi d'autres messagers jusqu'au dernier d'entre eux, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، أي أن الله سبحانه وتعالى ختم جميع الرسالات وجميع النبوات بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك تميز النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ميزات، منها أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، ومنها أن رسالته عامة، وأما كثير من الأنبياء أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة كما أشار في الحديث، وكان النبي يبعث خاصة إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو يدعو الإنس والجن، ورسالته عامة، رسالته صلى الله عليه وسلم عامة. فقال بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن؟ للمطيع، بشيرا لأهل الطاعة، يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بالجنة، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. ونذيرا، نذيرا لمن؟ لأهل المعصية، لأهل المعاصي الذين فرطوا في جنب الله وارتكبوا المعاصي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لهم، ينذرهم ويخوفهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا ألا نستهين بأي معصية، لأن المعاصي مهلكة والمعاصي مدمرة، والإنسان قد يعني يتعود على معصية صغيرة ويستهين بها، ولكنها في الحقيقة هي الخطيرة، هي الشيء الذي يهلك هذا الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. فالإنسان لا يحتقر أي ذنب، إنما الواجب أن ينظر إلى مراقبة الله عز وجل وإلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يراقب الله عز وجل في سره وفي علنه، ويستحيي من الله حق الحياة، ويستحي من الله حق الحياة. فهذا دليل على الإيمان. وكلما وقع الإنسان في ذنب أو فرط فيجب عليه أن يرجع، باب التوبة والحمد لله مفتوح، باب التوبة مفتوح. كثير من الناس لجهلهم إذا فرط في جنب الله وارتكب معاصي وكبائر فيعتقد أنه لا توبة له، لا توبة له، فيريد أن يختصر هذه الحياة، ويقع فريسة للدواعش هؤلاء، فيقولون له: أنت عندك معاصي كثيرة وكبائر، يعني تذهب إلى الجهاد وتستشهد في سبيل الله وخلص الله عز وجل يكفر عنك السيئات. لا يا أخي، باب التوبة مفتوح. وهذا الذي يدعو إليه الدواعش ليس بجهاد أصلا، ليس بجهاد، ليس تحت راية، بل هناك أحزاب وجماعات وفرقة وإلى آخره. فالشاهد من هذا أن هؤلاء يصطادون الشباب الذين يقعون في المعاصي ويضيقون عليهم حتى يضطروهم إلى الذهاب إلى الجهاد في زعمهم. وفي الحقيقة هم إذا أرادوا، المفروض أنهم يكونوا في الصف الأول إذا أرادوا الخير لك أيها الشاب، فالحقيقة يعني هم المفروض أنهم يكونون في الصف الأول، وأن يكون هناك يجاهدون. ماذا يريدون يعني في الجلوس هنا؟ هذا يعني دليل على خبثهم، وهذه ليست بطريقة صحيحة. تعرفون قصة العالم والعابد، رجل أذنب وأسرف على نفسه في الذنوب، فجاء إلى عابد، عابد جاهل يصلي ويفعل الطاعات لكنه ليس بعالم، فجاء إلى هذا العالم وقال: قتلت 99، 99 شخص هل لي من توبة؟ لقلة علمه أو لجهله قال له ليست لك توبة. خلاص 99 عدد ما هو بصير، فقال ما في توبة. فقضى عليه كمل بالمئة، كمل به المئة، العدد صار كم؟ 100. فقال أشوف واحد آخر، ذهب إلى عالم فقال قتلت 100. قال بكل سهولة، ومن يحجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ من يحجب؟ من يمنعك من التوبة؟ الله عز وجل هو التواب الغفور. لو تقتل ملايين تتوب، باب التوبة مفتوح. فهذا لسعة علمه وإدراكه بالله عز وجل، والعلماء من أشد الناس خشية لله، فتح له باب التوبة فتاب وحسنت توبته. لكن دله أن يذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى، فخرج من القرية مهاجر فمات في الطريق. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختلفوا على هذا الرجل. ملائكة الرحمة تقول خرج تائب، وملائكة العذاب قالوا ما فعل خيرا قط، احنا اولابه. فنزل ملك وحكم بين الطرفين، فقال قيسوا الى ايهما، يعني الى الارض التي يعني كان فيها او خرج اليها. فيقال في رواية ان الله عز وجل زوى الارض، قرب المسافة، ويقال انه نأى بصدره الى الارض التي خرج اليها. المهم قاسوا فوجدوه الى الارض التي خرج اليها، فاخذته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. الامر بسيط، لا احد يضيق عليكم، لا احد يضيق عليكم، باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، ولله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم كان في صحراء وكانت معه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه هذه الناقة فأيس منها، فاستظل تحت شجرة ونام، فإذا بالناقة هذه واقفة على رأسه، فمسك بخطامها الحبل، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل ما أخذه بهذا الخطأ، فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل بدابته، يفرح مع أنه ليس محتاج إلينا، ولكن الله عز وجل رحيم وغفور. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. الواجب علينا أن نعود ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما أخطأنا وقصرنا رجعنا وتبنا وجددنا التوبة وأكثرنا من الاستغفار، الله عز وجل يمحو الخطايا، وإن الحسنات يذهبن السيئات. Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala cite, il faut croire qu'il a clos la série des prophètes et mis un terme à leur mission d'avertisseur avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son prophète. Qu'il a fait de lui le dernier des envoyés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a clos à travers lui la prophétie. C'est le dernier des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de spécificités. Parmi ces spécificités, c'est que c'est Khatam al-Anbiya, le dernier, le sceau des prophètes. Parmi ces spécificités, le fait que Risala Amma, son message est général à tous les hommes et tous les djinns. Les prophètes qui sont venus avant lui, tous les prophètes qui sont venus avant lui étaient envoyés à une contrée bien précise. Ils étaient envoyés à un peuple bien précis. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité et même aux djinns. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa kana an-nabi yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithu ila an-nas 'amma ». C'est-à-dire que le prophète était envoyé à un peuple bien précis, alors que moi j'ai été envoyé à إلى الناس عامة à toute l'humanité de manière générale. Et Allah a cité dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets 45 et 46 de la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Donc, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé également en tant qu'annonciateur, comme on a dit, et avertisseur. Annonciateur pour qui? Avertisseur contre qui? Ou à propos de qui? Annonciateur pour Ahl al-Ta'a, les gens qui obéissent, qui se conforment aux ordres d'Allah et à ses restrictions, et pour leur annoncer, leur faire la bonne annonce, la bonne nouvelle du paradis, conformément au verset 25, la sourate 2, al-Baqarah, la vache. Le sens annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront jusqu'à la fin du verset. Donc il y a une bonne annonce pour les gens, les adeptes du paradis, les adeptes de l'obéissance. Et Nadira, c'est-à-dire avertisseur contre qui ou à propos de qui? Des gens qui commettent des péchés et des interdits. Les avertir de la punition ou du châtiment de l'enfer qui les attend. De là, il faut prendre en considération le fait de ne pas sous-estimer. Les péchés et considérer que ce n'est rien de très grave, car les péchés sont destructeurs. Les péchés, muhlika, mudammira, c'est-à-dire que ça a des conséquences néfastes, mauvaises et dangereuses, khatira, sur la personne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyaki à Aisha radiallahu anha, Iyaki wa muhaqqarat al-dhunub, c'est-à-dire fais attention, ô Aisha radiallahu anha, aux péchés que tu pourrais sous-estimer. Fa inna laha min Allahi taliba. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui n'omet pas d'inscrire ces actions mauvaises que tu pourrais mettre en pratique. Donc, il faut toujours avoir dans le cœur et à l'esprit le fait qu'Allah nous voit et qu'il connaît nos aspects cachés. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il sait tout ce qu'il y a en nous et être pudique par rapport à Allah de manière conforme. Et la porte du repentir reste ouverte pour quiconque commettrait un péché ou un interdit. La porte du repentir reste ouverte et on peut la franchir. Les péchés, les grands péchés, il y a des gens qui pensent que quand ils ont commis un certain nombre de grands péchés ou un certain nombre de péchés où ils sont plongés dans des choses qui sont mauvaises, ils pensent que le repentir est impossible ou n'est pas ouvert à ce type de personne qui a trop exagéré dans le péché. Et ces personnes-là se transforment facilement en des farisas, c'est-à-dire des proies pour Dawa'ish. Dawa'ish, ça vient du mot Da'ish, donc la fameuse secte qui appelle au djihad, comme vous le savez. Ils commettent des grands péchés, et on leur dit, vous avez commis trop de mauvaises choses. La seule voie, le seul chemin que vous pouvez emprunter pour vous faire pardonner par Allah, c'est d'emprunter la voie du djihad, mourir dans le sentier d'Allah, et Allah vous pardonnera. Or, ces gens-là, donc Da'ish, Dawa'ish, n'ont pas de raya, n'ont pas d'étendard. Ce n'est pas un djihad qui est conforme à la législation de l'islam. Tout est mélangé. Il y a des groupes, il y a des ahzab, des partis. Tout est mélangé. Ce n'est pas un djihad qui est conforme aux règles et aux préceptes de l'islam. Donc ces gens-là se retrouvent désespérés. On leur dit, vous avez commis trop de péchés, la seule voie, le seul chemin à entreprendre maintenant à votre degré, c'est d'emprunter la voie du djihad pour mourir dans le sentier d'Allah et être pardonné. Alors que si ces gens-là étaient réellement véridiques, et s'ils croyaient vraiment à ce qu'ils prenaient, eh bien ils seraient les premiers, ils seraient dans les premiers rangs. Ce sont des gens qui montreraient l'exemple si vraiment ils croiraient à cela, ou croyaient à cela. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ils restent à l'arrière et ils poussent les autres à commettre ces choses-là? Et vous avez déjà entendu parler du récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-alim ou al-abid, c'est-à-dire la fameuse personne qui a tué 99, qui a eu 99 victimes, il a tué 99 personnes, et il allait interroger un adorateur, quelqu'un qui mettait en pratique des adorations, mais qui n'était pas connaisseur des règles religieuses. Et il l'a interrogé sur son repentir. « J'ai tué 99 personnes et je souhaite me repentir. » Il lui a répondu « Tu as tué 99 personnes et tu as le cran de poser une question pareille, de repentir. Le repentir n'est pas accessible à une personne comme toi. » Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Et il a complété, le compteur est monté à 100 personnes. Il a tué 100 personnes. Ensuite, il est allé interroger cette fois une personne de science qui lui a répondu « Qui peut se mettre entre toi et le repentir ? Qui peut se mettre entre toi et Allah ? La porte du repentir est ouverte. » La porte du repentir est ouverte. Et comme vous savez dans le récit, cette personne qui lui a décrété que le repentir était ouvert et qu'il pouvait franchir la porte du repentir, l'a orienté, il lui a dit l'endroit où tu es au milieu de personnes qui sont mauvaises. Ta terre, elle est malsainte. Par vers tel et tel endroit, il y a des gens de droiture et restent en leur compagnie. Donc cette personne est partie repentante vers cette destination et sur la route, elle est décédée. Les anges du châtiment et les anges de la clémence et de la miséricorde n'ont pas été d'accord sur le sort de cette personne. Les anges du châtiment ont dit « Il a tué 100 personnes ». Et les anges de la clémence et de la miséricorde ont dit « Cette personne s'est repentie et elle est sortie de sa terre, se dirigeant vers une terre de droiture. Elle a suivi les préceptes qui lui ont été donnés. » Donc un ange est venu pour établir le verdict et trancher sur la situation. Et il a dit « On va mesurer la distance qu'il y a entre l'endroit où il est mort et la terre qui est mauvaise, la terre qui est malsainte, de là où il vient, et la terre vers laquelle il a été envoyé et où il y a les gens de droiture. » Et ils ont mesuré. Dans une version, il est cité que Allah a fait en sorte qu'il le rapproche de la terre de bonté et de droiture. Et dans une autre version, il y a juste sa poitrine qui a été mise en avant et il dépassait un tout petit peu la distance qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il était un tout petit peu plus proche de la terre, on ne va pas appeler ça la terre sainte, mais la terre où il y avait les gens pieux et de droiture. Et donc, de ce hadith, on comprend que le repentir est ouvert et qu'Allah est grand pardonneur. Donc c'est les anges de la clémence et de la miséricorde qui ont pris son âme. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'Allahu ashaddu farahan, c'est-à-dire qu'Allah est encore plus heureux ou joyeux du repentir de sa créature envers lui que l'un d'entre vous qui est dans un désert et il a avec lui sa chamelle qui porte sa nourriture, sa boisson, de quoi survivre, et il la perd en plein désert. Il la recherche, il ne la trouve pas, et il s'endort à l'ombre d'un arbre. Et lorsqu'il se réveille, en attendant il y a la mort, car il n'a plus rien pour survivre, sa chamelle a disparu, et il est bloqué dans le désert. Et lorsqu'il se réveille, il trouve sa chamelle devant lui, il l'attrape par le khitam, c'est-à-dire la corde, je ne sais pas comment on appelle ça exactement en français, la bride du chameau ou de la chamelle, et il la tient de manière ferme, et il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dans le hadith, il est cité akhta'a min shiddati al-farah, c'est-à-dire oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé tellement il n'en revenait pas et tellement il était joyeux de retrouver sa monture. Mais Allah ne le jugera pas pour cette parole qu'il a dite par erreur. Or, Allah n'a pas besoin de nous, et malgré cela, de par sa clémence et sa miséricorde, il est plus heureux du repentir de sa créature qu'une personne qui est dans une situation pareille. Parmi les attributs d'Allah, sifat, annahu rahim wa annahu ghafur, il est grand, miséricordieux envers les croyants, et il est grand, pardonneur. Donc la personne doit sans cesse revenir à Allah, se repentir à lui et demander pardon à propos des choses qu'il a commises. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم داعية بعث داعية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته. إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال وسراجا منيرا، نعم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سراج، والسراج هو الضوء، الشمس والقمر ومنير، ذكر هنا السراج الشمس والمنير هو القمر، فشبه المؤلف، وهذه الجملة مأخوذة من قوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فشبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء محسوس كإضاءة الشمس والقمر للأرض. كيف تكون الإضاءة؟ تكون قوية. كذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض كانت مظلمة، وهنا الظلام معنوي، كانت مظلمة بماذا؟ بالشرك والبدع والخرافات والكبائر والمعاصي عموما. فكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس كإضاءة الشمس والقمر لهذه الأرض، فرأى الناس الخير والشر، وعرفوا المعصية والطاعة، وميزوا بين هذه الأشياء، فكأنهم كانوا يعيشون في ظلمة، والذي يعيش في ظلمة لا يرى شيء، لا يرى شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل سراجا منيرا، وكانت رسالته رحمة للناس جميعا. وأيضا يؤخذ من هذه الجملة داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج الصحيح المنهج السلفي، أن دعوته فيها أو هي شبيهة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها موصلة ولأنها تابعة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوته، دعوة هذا الداعي، هي دعوة ليفقه الناس ويوضح لهم، لأن الناس يعيشون في ظلام، فإذا دعا يعتبر أن دعوته هذه سراجا منيرا لهؤلاء الناس. ثم قال وأنزل عليه كتابه الحكيم، هنا يثبت المؤلف أن القرآن إيش؟ منزل أم مخلوق؟ منزل. وأنزل عليه كتابه الحكيم، يعني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه جميع الأحكام والشرائع ليستنير به النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلينا الرسول وأنزل معه الكتاب الذي هو الفرقان، نفرق بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. فالقرآن هذا هو دستور هذه الأمة، إذا أرادت أن تنجح وتفوز وتفلح فعليها بالرجوع إلى هذه المصادر، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح وليس على فهم أهل البدع كجماعة الإخوان المسلمين، يستدلون ويقولون نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على فهم حسن البنا، جماعة التبليغ يقولون الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ محمد إلياس الكندهلوي. وهكذا الصوفية والأحباش والدواعش وغيرهم، هؤلاء جانبوا الخط المستقيم، لكن صاحب السنة والسلفي هو الذي يأخذ بالكتاب والسنة، لكن يعود إلى فهم السلف الصالح. نعم. Le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, a continué en expliquant les propos de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: les prédicateurs appelant à Allah est lampe éclairante. Il a fait descendre sur lui son livre parfait et sage. Il faut donc savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il fut considéré par lui comme prédicateur appelant à lui azza wa jal. il a donc appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc appelé au fait d'obéir à Allah azza wa jal et au fait de suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que celui qui aura obéi au messager aura en réalité obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que transmettre ce qu'Allah azza wa jal lui avait ordonné de transmettre. Et il a été qualifié de lampe éclairante, comme cela a pu être mentionné précédemment, à la lumière d'un verset coranique. Il a donc été comparé à une lampe, il a donc été qualifié de lampe éclairante. Il a donc été comparé dans cela au soleil et à la lune qui illuminent la terre. En effet, avant l'avènement de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans les ténèbres du polythéisme, de la turpitude et de la désobéissance. Et c'est alors que par l'avènement de sa prophétie, l'humanité a été illuminée et éclairée, et son message fut un message de miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Il faut savoir que le message que cherche à faire passer le prédicateur cheminant sur la voie salafi, la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté, a une part de cela, dans le sens où également ce message est une lumière et une clarification pour l'ensemble de l'humanité. Donc l'auteur a dit, et il a fait descendre sur lui son livre parfait et sage. Et donc le shir, donc à nouveau, d'insister sur le fait que c'est bel et bien un livre qui est révélé et non pas créé comme ont pu le prétendre les partisans de l'innovation. Et ce livre, il a également été qualifié de discernement, car il s'y trouve le discernement entre le vrai et le faux. قال المؤلف باقي شوية نعم نعم. Et également donc le shir de conclure en insistant sur le fait qu'à partir de là nous nous devons de nous attacher à ces sources là, le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de nous restreindre dans cela à la compréhension de nos pieux prédécesseurs, non pas comme les partisans de l'innovation peuvent le faire, en s'en référant à d'autres compréhensions. Les adeptes de la sunna doivent impérativement s'attacher et se restreindre à la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, non pas comme peuvent le faire les frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimoun, qui s'en réfèrent à la compréhension de Hassan al-Banna, leur fondateur, ou le fondateur de leur groupe, ou comme peuvent le faire l'établir, qui s'en réfère à la compréhension de Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, ou du groupe des Ahbash, ou encore des Dawa'ish, le groupe de Da'ish, qui s'en réfère donc à des compréhensions de la religion, de ces sources-là, le Coran et la Sunna, qui ne sont pas conformes à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils disent donc le livre d'Allah, le Coran et la Sunna, mais en vérité, ils ne le comprennent pas d'une manière correcte, car ils s'en réfèrent à des compréhensions étrangères à la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل، شرح الله به الدين القويم، ومعنى الدين القويم أي المستقيم الذي اختاره الله عز وجل، القويم بمعنى المستقيم. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعلى جنبتي هذا الخط خطوط معوجة، فقال هذا خط، خط الله أوله بأيديكم وآخره في الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يريد الجنة ويريد رضا الله عز وجل ودار الكرامة فعليه باتباع هذا الخط وهذا السبيل وهذا الطريق. والصراط ينقسم إلى قسمين. الصراط ينقسم إلى قسمين، صراط معنوي وصراط حسي. صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو دين الله عز وجل جملة وتفصيلا، هذا معنوي. والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فناج مسلم وناج مخدوش وملقى في نار جهنم الذين يعبرون على هذا الصراط. فمن أخذ بالصراط المعنوي في الدنيا وتمسك بالدين القويم مشى ونجا، مشى على هذا الصراط ودخل الجنة. ومن فرط ولم يأخذ بالصراط المعنوي في الدنيا يسقط في نار جهنم، يسقط في نار جهنم. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا مذكور فيه الإثبات والنفي. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحذرنا من فرقتين، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. نعم. Ensuite, le Cheikh, wafaqahu Allah ta'ala, explique la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Il a expliqué sa religion bien établie. Il a expliqué, toujours en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué sa religion bien établie à diriger les hommes dans la voie de droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour transmettre son message. Suite à une longue durée où il n'y a pas de prophète qui est apparu, l'ignorance s'était largement propagée. Il est venu montrer aux gens la voie de droiture. Conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit, relativement long, à propos duquel il a dit: le début de ce trait est entre vos mains et sa fin est au paradis. Et des traits à droite et à gauche de ce long trait qui sont plus courts et qu'il a caractérisé comme étant des voies d'égarement. Et à la tête de chaque voie, un diable qui appelle les gens à lui. Donc, pour accéder au paradis, il faut suivre ce chemin de droiture. Or, le sirat se décompose en deux. Il y a le sirat al-ma'nawi et le sirat al-hissi. C'est-à-dire, le sirat, le chemin ou la voie, dans son sens abstrait et dans son sens concret. Au sens réel et au sens figuré. Si vous voulez, le sens abstrait, c'est quoi? C'est la religion d'Allah. La voie ou le chemin à entreprendre, c'est la religion d'Allah dans toute son intégralité, dans tous ses aspects. Et le sens, on va dire, concret ou premier degré, si on peut dire ça comme ça, ou le sens réel et plus direct, c'est donc le sirat qui est apposé au-dessus de l'enfer. Ala matni jahannam, a'adana Allah wa iyyakum minha. Les gens seront de trois catégories à propos du sirat. Nadi Musallam ou Nadi Makhdush ou Mukardasum Finnar. Soit la personne elle va passer et traverser le sirat et être sauvée, épargnée, soit elle va traverser le sirat mais de manière difficile, Makhdush, c'est-à-dire qu'il va être touché, il va être blessé, il ne va pas passer comme le premier qui sera épargné de manière intégrale, soit la personne tombera dans l'enfer ou l'iyadu billah. Donc celui qui n'a pas pris en considération le sirat dans son sens ma'nawi, dans son sens figuré, dans son sens abstrait, c'est-à-dire le fait de préserver et de respecter la religion d'Allah dans toute son intégralité, de mettre en pratique les ordres, de délaisser les interdits, etc., ne réussira pas à traverser le sirat hissi, c'est-à-dire le sirat que l'on connaît tous, qui est donc apposé au-dessus de l'enfer. Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, à chaque raka'a, on doit répéter donc la surat al-Fatiha, surat al-ladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Le verset qu'il y a dans surat al-Fatiha à chaque raka'a. chaque raka'a, chaque unité de prière, il faut répéter donc ces versets qui contiennent l'affirmation et la négation. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. On lui demande de nous raffermir, de nous guider sur le droit chemin, la voie de droiture, la voie de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, donc l'affirmation, et de nous écarter, de nous éloigner de la voie de ceux, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, de ceux qui ont couru sa colère, alhamdulillah, ou des égarés également. Qui sont les gens qu'Allah a comblés de bienfaits? C'est ceux qu'il a cités dans le verset 69 de la sourate numéro 4, sourate An-Nisa. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. C'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ce sont ceux-là qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Donc ce verset explique, le verset 69 de la sourate 4, Nisa, les femmes, explique le sens du sirat qui est cité dans sourate Al-Fatiha. السلام. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يتحدث عن قيام الساعة وأن قيام الساعة حق. ورد بهذا الأمر نصوص كثيرة من الكتاب والسنة, منها قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها, وكذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمها, كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة, وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل المشهور ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه من الأمور التي استأثر الله عز وجل بعلمها, يعني لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى, لكن لها علامات, علامات كبرى وهي عشر وعلامات صغرى. والعلامات الكبرى هي عشر, إذا بدأت الأولى انفرطت بعدها بقية العلامات. والعلامات الصغرى منها ما قد حصل, ومنها ما هو موجود, ومنها ما سيحصل بعد ذلك. فهذه هي العلامات الصغرى. والساعة تطلق على أمرين, الساعة تطلق على أمرين. الأمر الأول إذا أطلقت الساعة فتطلق على الموت, كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق, إلا على شرار الخلق, أي موتهم. والشيء الثاني تطلق على البعث والنشور, البعث والنشور, أي بعث من في القبور, وينشرون ويخرجون من قبورهم, سواء دعوا أو يعني أودعوا في القبور, أو رموا مثلا رميوا في البحر, أو قطعت أجسامهم, أو ما إلى ذلك. الله عز وجل يجمعهم ويبعثون مرة ثانية ويخرجون ينتشرون, هذا يسمى البعث والنشور, كما قال تعالى عنه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم. Puis le Cheikh, حفظه الله تعالى, a commenté la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « Et l'avènement de l'heure ne souffre d'aucun doute. » Donc il faut savoir que l'heure, le jour dernier, est une réalité qui ne souffre d'aucun doute. Et de nombreux textes du Coran affirment cela. Notamment la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens, est la suivante. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Et également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa traduction approximative et rapprochée. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, au contraire, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités. Puis vous serez informé à propos de ce que vous faisiez, et certes cela est facile pour Allah. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé le savoir relatif à l'avènement de l'heure. Et c'est donc là quelque chose qui lui est propre et spécifique. Cependant, elle a des signes précurseurs. Et ces signes précurseurs sont de deux types. Il est des signes précurseurs qui sont majeurs, qui sont au nombre de 10, et d'autres qui sont mineurs. Quant aux signes précurseurs mineurs, certains se sont déjà manifestés dans le passé, et d'autres sont en train de se manifester, et d'autres vont se manifester dans le futur. Également, il faut savoir que l'heure Sa'a, lorsqu'elle est mentionnée dans les textes, elle peut viser deux choses. Elle peut viser la mort et elle peut viser la résurrection. Comme l'a expliqué le Cheikh et il a cité un exemple concernant premier sens pouvant être visé. Cet exemple, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit l'heure n'adviendra que sur les pires des créatures. Et ce qui est visé ici, c'est la mort. Et donc le second sens, c'est celui qui est plus connu, et c'est celui de la résurrection, comme on peut le trouver notamment dans certains versets. À titre d'exemple, celui dont la traduction approximative du sens est « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. » Et ce qui est visé donc ici dans ce contexte, c'est la résurrection. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا يتحدث عن البعث وأن الناس إذا ماتوا يبعثون. فقال هنا عبر بقوله يموت ليشمل من دفن أو من لم يدفن في الأرض، سواء أحرق أو قطعت يعني أجزاؤه أو غير ذلك. فكلمة يموت يشمل هذه الأنواع كلها، فهو ينتقل من الحياة إلى الدار الآخرة. والدور ثلاثة أقسام، الدور ثلاثة أقسام: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. الدار الدنيا التي نحن فيها، والبرزخ هي مقدمة الدار الآخرة، يعني الوقت الذي يمضيه في القبر، ثم الدار الآخرة يكون فيها الجزاء والحساب ودخول الجنة أو النار. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. كما بدأهم يعودون، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ينبت هذا الإنسان، يعني يفنى جسم الإنسان كله إلا عجب الذنب، هذا العضو يبقى. فإذا أمر الله عز وجل أن يبعث الناس ينبت هذا العضو، فينبت هذا الإنسان كما تنبت الحبة في حميل السيل. تعرفون السيل، مكان الوادي الذي يسيل الماء، هنا مكان يعني التراب وهنا تراب. ينبت على أطراف يعني التراب أو على أطراف الماء هذا نبات صغير، ثم يكبر حتى يصير شجرة بسبب هذا السيل. فالإنسان كذلك ينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثال على هذا. نعم. Ensuite, parle donc de la résurrection. C'est-à-dire qu'il ressuscitera ceux qui meurent, comme il les a créés la première fois, il les recréera une autre fois. Donc il ressuscitera ceux qui sont morts, enterrés ont-ils été ou non. Et à travers cela, quand il dit ceux qui sont morts, ceux qui meurent, entre dedans toute personne qui est décédée, qu'elle ait été enterrée ou pas, tel que par exemple celui qui est mort brûlé, qui n'a pas forcément été enterré, ou celui qui a été décapité, ou son corps a été décomposé par exemple, toutes ces personnes-là n'ont pas forcément été enterrées, ou le corps n'a pas forcément été réuni pour l'enterrer, donc il sera quand même, il reprendra vie, il sera ressuscité quand même. dans la vie dernière. À travers cela, la personne redeviendra vivante. Et la vie dernière, il faut savoir que les demeures sont au nombre de trois. Il y a Dar al-Dunya, c'est-à-dire la vie mondaine dans laquelle nous sommes actuellement. Dar al-Barzakh, qui est donc la barrière ou l'étape intermédiaire, qui est donc le début de la vie dernière. Et on a Dar al-Akhirah, à travers laquelle il y a al-Jaza, la récompense, bonne soit-il ou mauvaise, al-Hisab, le jugement, et chacun prendra sa place soit au paradis, soit en enfer. Donc, la personne ressuscitera et repoussera, comme il est cité dans al-Hadith, tous les membres de l'être humain disparaîtront sauf Ajb al-Dhanab. Ajb al-Dhanab, c'est le coccyx. Le coccyx restera et de ce membre-là, l'être humain sera recomposé et sera ressuscité. Et il est cité dans le hadith, كما تنبت الحبة. Donc, le cheikh l'a expliqué que Hamil al-Sayl, c'est-à-dire c'est comme s'il y a une rivière ou un petit étang où il y a de l'eau qui passe, et à droite et à gauche de cette petite rivière, de ce petit étang, il y a donc de la terre. Et sur cette terre, à cause de cette rivière et ce passage d'eau, il y a donc des petites plantations qui poussent à tel point qu'avec le temps, elles deviennent des arbres. Donc l'être humain, c'est exactement pareil. De ce membre-là, Ajb al-Dhanab, il repoussera et il sera ressuscité comme auparavant. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأصول التي ذكرها المؤلف علينا وعليه رحمة الله هي أصول عقدية دل عليها القرآن والسنة. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء من عباده ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف ويضاعفها الله عز وجل لمن يشاء. فالله عز وجل واسع العطاء والمغفرة كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وكما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالإنسان كلما عمل طاعة الله عز وجل يربيها له كما جاء في الحديث كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه يعني الحصان الصغير هذا كما يربي أحدكم فلوه. نعم هذا بالنسبة للحسنات. وأما السيئة فالله عز وجل يجازي السيئة عليها سيئة واحدة وهذا من رحمة الله عز وجل. لو جازانا على السيئة بعشر أمثالها كانت يعني كنا الله المستعان يعني نسأل الله عز وجل السلامة. لكن الحمد لله هذا من رحمة الله عز وجل أنه ضاعف لنا الحسنات ورحمنا أنه لم يضاعف السيئات. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يجب أن نشكره سبحانه وتعالى. وبالنسبة للتوبة إذا أراد الإنسان أن يتوب فلا بد من توفر أربعة شروط للتوبة. أربعة شروط. الشرط الأول الندم أو الإقلاع عن المعصية مباشرة. يقلع ولا يسوف سوف أتوب سوف سوف لا يقلع عن المعصية. الندم الشرط الثاني على فعل الذنب. كلما تذكر هذا وجاءه الشيطان يندم على أنه فعل هذا الفعل لكن لا يؤدي به الندم إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب بل ويجب عليه أن يفارق المكان الذي وقع فيه هذا الذنب كما سمعتم قصة الذي قتل 100 شخص قال له العالم اخرج إلى القرية الأخرى فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فالإنسان إذا تاب ينتقل من المكان الذي فعل فيه المعصية إلى مكان آخر، يعني يترك أصدقاء السوء، هؤلاء الأصحاب يتركهم يفارق، لأن هؤلاء يعينونه على الرجوع إلى المعصية، فيصاحب الأخيار أهل الخير وأهل الطاعة من أجل أن يعينوا على الطاعة. وإن كان هناك حق مالي، حق مالي مال يعني، فيجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه حتى وإن تاب واستغفر وكل شيء، لكن يجب عليه إرجاع هذا الحق ولو شيء بسيط، لابد أن يعيد هذا المال، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمقاصاة. وبالنسبة للموضوع أيضا ذكر الكبائر والصغائر. الكبائر لها تعريف، يعني كيف نفرق بين الكبائر والصغائر؟ الكبائر كل ما ورد أو ختم بلعنة أو غضب أو ترتب عليه حد أو وعيد شديد أو وعيد بالنار وغير ذلك، هذا يسمى كبيرة، وقد عدها العلماء إلى 7 وبعضهم إلى 770 وبعضهم إلى 700 بحسب ورودها في الآيات والأحاديث، فبعض العلماء جمعها. الشاهد أن هذه كبائر وهذه لابد من التوبة، لابد. والصغائر دون ذلك إلا اللمم كما أطلق الله عز وجل عليها، وهذه قد لا يسلم منها أحد، لكن تختلف، فمنهم من يقع فيها ويتوب، ومنهم من يواصل ويستمر على هذه الصغيرة حتى تصير كبيرة. ولكن هناك مكفرات لهذه الصغائر، الوضوء إلى الوضوء، والصلاة إلى الصلاة، والحج إلى الحج وغير ذلك، والصدقة، هذه كلها مكفرات للصغائر. أما الكبائر فلا بد من توبة، لا بد من توبة. هذا بالنسبة للدنيا. بالنسبة للآخرة، أهل الكبائر ينقسمون إلى قسمين، منهم من تاب توبة نصوحا في الدنيا، فالله عز وجل في الآخرة يبدل سيئاته إلى إيش؟ حسنات، ويضاعفها له، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يموت على هذه الكبيرة، من يموت على هذه الكبيرة، فأيضا يكون فيه الوضع أو يقول إلى قسمين، إما أن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة ويرحمه، هذا إذا كان معه أصل التوحيد، يعني معه توحيد ما وقع في الشرك لكن مات على هذه الكبيرة، فهذا إما أن يكون إما أن يدخله الله عز وجل إلى الجنة مباشرة ويعفو عنه، وذلك شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يدخله إلى النار فيعذب بقدر هذه الكبيرة ثم يكون مآله إلى الجنة، فهو في الآخرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. أعيد، إما أن يتوب الله يدخله الله عز وجل مباشرة إلى الجنة، وإما أن يدخله إلى النار ويعذب فيها بقدر هذه الكبيرة ثم قطعا يدخل الجنة لأنه موحد، لأنه من أهل التوحيد. أما من كان من أهل الشرك فهذا لا يدخل الجنة، ولا يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط كما قال تعالى، لا يدخل الجنة هذا أبدا، ويكون مصيره إلى النار. Le Cheikh a continué en expliquant les propos de l'auteur lorsqu'il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, a multiplié pour ses serviteurs croyants les bonnes actions et ne leur a pas tenu rigueur de leurs grands péchés s'ils s'en sont repentis, et qu'il leur a pardonné leurs petits péchés à partir du moment où ils délaissaient les grands péchés, et qu'il a fait du sort de celui qui ne s'est pas repenti des grands péchés qu'il se dirige vers sa volonté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde un quelconque associé, mais il pardonne en dessous de cela des péchés moins graves à qui il veut. En commentaire donc de ce passage, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde et le préserve, a dit que l'auteur a établi dans son livre de nombreux fondements dogmatiques tirés du Coran et de la Sunna. Il a donc ici expliqué et exposé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié pour ses serviteurs croyants les bonnes actions. Et comme il avait eu l'occasion de l'aborder au préalable, les bonnes actions, elles sont rétribuées 10 fois leurs équivalents, jusqu'à 700 fois. Et dans ce cadre-là, il a cité certains versets coraniques, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative du sens, et celui qui se présente avec une bonne action en récoltera 10 fois l'équivalent. Ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction approximative du sens, et donc dans Surat al-Baqarah, le verset numéro 245, quiconque prête à Allah un bon prêt, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. Et il a également fait mention du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait se développer les bonnes actions de son serviteur comme l'un d'entre vous éduquerait son poney jusqu'à ce que cela atteigne la hauteur des montagnes. Puis il a abordé le cas des sayyi'at, c'est-à-dire les mauvaises actions. En effet, l'auteur a dit, et il ne leur tient pas rigueur de leur grand péché s'ils s'en sont repentis. Puis le shir d'attirer l'attention vers le fait que si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait rétribué pour nos mauvaises actions en les multipliant par 10, nous serions certainement voués à la perdition. L'auteur a abordé donc ici ce principe et cette notion de repentir, de tawbah. Le shir d'expliquer que la tawbah, le repentir, doit réunir plusieurs conditions, qui sont au nombre de 4. La première de ces conditions, c'est de cesser d'accomplir l'acte répréhensible et ne pas remettre cela à plus tard. La deuxième des conditions, c'est le fait de regretter. Cependant, ce regret ne doit pas mener au désespoir. Troisièmement, le fait d'avoir la ferme résolution de ne pas recommencer cet acte répréhensible. Et fait partie de cela le fait de quitter le lieu dans lequel l'acte répréhensible aurait été perpétré. Comme c'est le cas dans le hadith qui a précédemment été mentionné, le hadith contenant le récit de cet homme qui avait au final tué 100 personnes et qui voulait se repentir et à qui il a été ordonné de quitter le lieu dans lequel il avait perpétré ses différents crimes. Et le shir d'expliquer et de mentionner et de citer une quatrième condition qui est de mise si le péché commis est lié au droit d'autrui, notamment donc si un bien a été spolié. À ce moment-là, il incombe à celui qui se repent de cet acte répréhensible de restituer cela à son propriétaire. Puis il a continué en abordant les kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés. Les grands péchés, nous pouvons les distinguer des petits péchés par le fait qu'ils sont mentionnés, accompagnés de la mention de la malédiction, ou du châtiment, de la menace, ou d'une peine légale spécifique. Certains ulama les ont dénombrés et ont dit qu'ils étaient au nombre de 7, donc d'autres ont dit qu'ils étaient au nombre de 70, et d'autres ont dit qu'ils étaient plutôt au nombre de 700, et tout cela donc variant selon différents textes qui ont été rapportés concernant les grands péchés. Concernant les grands péchés, il est impératif de s'en repentir. Par contre, les petits péchés, as-sara'ir, leur cas est moins grave. Et les gens concernant les petits péchés ne se comportent pas de la même manière. Il en est qui commettent des petits péchés sans pour autant persister dans cela. Et d'autres les commettent et persistent dans cette chose-là. Cela donc concerne notre situation dans ce bas monde. Dans l'au-delà, le Cheikh a expliqué que ceux qui commettent les grands péchés sont de deux types. Il est ceux qui se sont repentis avant de mourir du fait des grands péchés qu'ils avaient perpétrés. Cela, Allah tabaraka wa ta'ala va changer leur mauvaise action en bonne action. Et il en est d'autres qui sont morts sans s'être repentis des grands péchés qu'ils avaient au préalable commis. Et ceux-là sont de deux catégories. Il y a ceux qui vont être pardonnés du fait de l'exclusivité du culte qui est voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi donc qu'ils vont se diriger directement vers le paradis par permission d'Allah azza wa jal. Et il en est d'autres qui étaient également monothéistes mais qui seront châtiés et qui ne seront pas pardonnés, mais du fait qu'ils avaient en eux la base de ce monothéisme, de cette exclusivité du culte, ils ne s'éterniseront pas en enfer. Quant aux polythéistes, ils rentreront en enfer et ils s'y éterniseront et ils n'en sortiront pas, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans son noble livre, la traduction approximative du sens de sa parole, ils ne sortiront ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. D'ailleurs, le chat de l'aiguille, c'est quelque chose donc de minuscule dans lequel le chameau ne rentrera bien sûr jamais. Ainsi rétribuons-nous les criminels. سؤال للتنشيط سؤال فاصل للتنشيط ما معنى الصراط وإلى كم ينقسم وهل بينهم يعني رابط أو علاقة بين الأقسام ما معنى الصراط وإلى كم ينقسم وهل بين الأقسام رابط أو علاقة. Donc le Cheikh pose une question, il dit pour vous réveiller un petit peu, pour vous redonner du tonus, une question décomposée en trois, c'est que veut dire le mot Sirat, qu'est-ce que ça veut dire Sirat, en combien de sortes il se décompose s'il y a une décomposition, et est-ce qu'il y a une relation entre ces différentes décompositions. ومفرط في هذا الصراط أي نعم أحسنت إجابة ممتازة لا الحمد لله الأمور طيبة طيب نواصل قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته ما زال الحديث عن أهل الكبائر فهم تحت مشيئة الله عز وجل في الآخرة إما أن يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة مباشرة إذا كان معهم أصل التوحيد وإما أن يعذبهم بقدر المعصية الكبيرة هذه وهم يتفاوتون قد يكون هذا يوم وهذا نصف يوم إلى آخره بحسب الجرم وبحسب الكبيرة واستدل بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل شيء بصير ويسير فالله عز وجل يربيه يربي هذا العمل فيكثر ويكون في ميزان حسناته يراه يوم القيامة. كذلك من يعمل سيئة تحفظ في اللوح المحفوظ في السجل وتنشر الدواوين يوم القيامة ويخرج منها أي من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الأنبياء كلهم ويشفع تشفع الملائكة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحين والشهداء كذلك يشفعون إلى آخره، والشفاعة ستأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل. فمن أسباب الخروج من النار شفاعة الشافعين، ومن هذه الشفاعات شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue donc son épître en disant que ceux parmi les croyants qui l'aura puni de son feu, il les en fera sortir en raison de leur foi iman, et les fera rentrer dans son paradis Jannah en raison de cette même foi. Car il est écrit dans le livre saint, quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce un atome, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Donc le sujet reste toujours en continuité avec ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire les adeptes des grands péchés et du fait qu'ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie dernière. Dans la vie dernière. Soit Allah leur pardonne l'afou et il les fait rentrer au paradis directement, et ce seront donc des adeptes du paradis qui auront profité du pardon d'Allah et de sa clémence, soit il les châtiera selon le grand péché qu'ils ont commis et il les fera entrer au paradis par la suite. Il se peut que quelqu'un reste un jour, il se peut que quelqu'un reste un demi-jour ou une demi-journée, selon le jurm, selon le kabira, selon le grand péché, le péché capital ou le crime qu'il a commis. Conformément donc au verset, comme on a dit avant, versets 7 et 8 de la sourate al-Zalzala, la secousse, le séisme, sourate 99, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, ici c'est traduit par atome, il y a d'autres traductions également, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Mohim, ce qui est sous-entendu, c'est même quelque chose de minime ne sera pas oublié, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et on a donc le fait que certains parmi les gens, les adeptes de l'enfer, qui sont rentrés en enfer à cause des grands péchés qu'ils ont commis, sortiront suite à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car intercédera le prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur. Les prophètes en général intercéderont, les anges, les vertueux et même les martyrs. Et en réalité ce point concernant la shafa'a, l'intercession, on va le voir plus en détail par la suite. Mais ceux qui sortiront de l'enfer, parmi ceux qui sortiront de l'enfer, certains, suite à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'intercession d'autres, comme on a pu le citer à l'instant. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى العطلة. طيب. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on reprendra après. Prochain cours, c'est à quelle heure? Moi, ça va, c'est à quand? Mabrouk. Monsieur, le sa'il est samina, l'an. L'an, sa'il est samina. Non? Ba'd al-Maghrib, moubachara, nous wassala, inshallah. Après le Maghrib, directement après la prière du Maghrib. Donc, on continuera, inshallah ta'ala. On essaiera d'achever, donc, cet épître. Non?